passer juste comme il faut, juste comme il faut, tout juste un peu ondulé, une auréole ronde et parfaite, étincelante, étincelante au-dessus de sa tête. Peut-être que mon ange, il n'a pas tout ça, mais tu vois, même dans ta grange, son cœur il rentrerait pas. Peut-être que mon ange, il n'a pas tout ça, mais tu vois, même dans ta grange, son cœur il rentrerait pas, il rentrerait pas. Un t-shirt blanc, mais je n'y parle faire. Quand on y a mis un merlu frais, il y a quelques temps en transfert, des blagues pourries. Des fois pire que les miennes, des aspects tordus et en ombre qui s'enchaînent. Mais qu'à cela ne tienne, peut-être que mon ange, il a des fois la trouille, mais quand ça le démange, il a une sacrée paire de couilles. Peut-être que mon ange, il a des fois la trouille, mais quand ça le démange, il a une sacrée paire de couilles, une sacrée paire de couilles. Se dérange quand j'ai besoin de lui, quand j'ai besoin de lui. Alors une toge blanche, propre et bien repassée, juste comme il faut, juste comme il faut, tout juste un peu ondulée, une auréole ronde et parfaite, étincelante, étincelante au-dessus de sa tête. Peut-être que mon ange, il n'a pas tout ça, mais tu vois, même dans ta grange, son cœur il entrerait pas. Peut-être que mon ange, il n'a pas tout ça, mais tu vois, même dans ta grange, son cœur il rentrerait pas. Peut-être que mon ange, il a des fois la trouille, mais quand ça le démange, il a une sacrée paire de couilles. Peut-être que mon ange, il a des fois la trouille, mais quand ça le démange, il a une sacrée paire de couilles, une sacrée paire de couilles.